père dans les forêts d'Amazonie. Je cherche tes bras, mais mon frère, c'est bien là que je me plais. Et quand vient de même, je m'y attrape au cœur et maladie. Et quand je me fais s'envoyer, pas couiller, si dérisé. Que sur les trois zones de l'Amazon, la poule je l'appelle, les cafards sur les vers, sur les vagues. Mon frère, c'est bien là que je me plais.